Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Quand la nuit est tombée, tout le monde s'est mis à danser. C'est la fête au village. Les parents, les enfants ont avalé leur potage. Pour s'amuser, pour danser, pour chahuter, en chantant des airs bien de chez nous. Pour faire les fous au son de l'accordéon, en buvant ensemble des petits coups. Yolele, yolele, yolele, yolele. Mademoiselle Antonin, la fille du pharmacien, nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait de l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. C'est la fête au village, c'est bien chouette, les minets se trémoussent avec courage. Pour s'amuser, pour danser, pour chahuter, en chantant des airs bien de chez nous. Pour faire les fous au son de l'accordéon, en buvant ensemble des petits coups. Le vieux clerc de notaire, qui a connu toutes les guerres, a sorti son fusil pour tirer des coups nous aussi. Les filles étaient pressées, on s'est pas fait prier. Ça nous a tellement plu que monsieur le maire sera réélu. C'est la fête au village. Les charlottes, les bigotes ont oublié d'être sages. Pour s'amuser, pour danser, pour chahuter, en chantant des airs bien de chez nous. Yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yolele, yol